temps sur le psaume, j'ai pu mettre en parallèle ce qu'on a vécu dernièrement à St. James. Donc, ce que je veux vous raconter à travers le psaume 113, c'est notre épopée depuis le mois de mars à St. James, parce que le 12 mars, il y a eu un feu à St. James. Je suis arrivé à 7h30 le matin, et dans mon téléphone, j'ai vu un de mes amis qui m'a texté, il dit « There's a fire at St. James », en français, mais il a texté en anglais. Puis là, il a dit « Il y a un feu à St. James », j'ai dit « Ah oui ». Fait que moi, je me suis dépêché pour aller là, et je ne pouvais pas rentrer, la police était là, les pompiers étaient là, et il y avait un feu au centre de jour. Ça a été le début de quelque chose d'assez spécial. Donc, en parallèle, je vais vous parler de Stuart St. James, du psaume 73. Un psaume où les profondeurs de l'être humain, ce qui est plus profond, tout vient se mélanger, puis Dieu fait un ménage là-dedans. C'est ce qu'on appelle un psaume imprécatoire. Dans les psaumes, Hélène va sûrement en parler aussi, elle en a déjà parlé. Il y a plusieurs genres littéraires, plusieurs manières où on peut compartimenter les psaumes. Ça, c'est ce qu'on appelle un psaume imprécatoire. Imprécatoire, ça veut dire du latin imprécare, qui veut dire prier. Précare, c'est prier. In, c'est contre. Donc, mettons, je suis instable. Instable, c'est je suis contre la stabilité, donc je ne suis pas stable. Donc, imprécatoire, c'est prier contre. Donc, c'est une prière contre. C'est un peu l'intro du psaume, c'est il prie contre les méchants. C'est un plaidoyer, c'est un cri à Dieu contre ce qui est méchant, ce qui déplaît à Dieu, ce qui me fait mal, ce qui vient me chercher, ce qui me dérange. La semaine passée, Glenn nous a parlé de la louange, hein, le psaume 150, c'est ça? Puis il parlait de l'état d'âme pour louer Dieu, comment être pour louer Dieu. Puis le psaume 73, ça ne manquait pas gros pour qu'il perde cet état d'âme-là. Il est sur le bord du précipice, puis il n'est pas loin là, de capoter. On peut s'exprimer en québécois maintenant? Il n'est pas loin de capoter, de virer sur le capot. C'est pas David qui a écrit ce psaume-là. C'est Asaph. Asaph, c'était qui Asaph? Je ne l'aborderai pas trop matin. Mais Asaph, c'était le directeur de louange de David. C'est lui qui écrivait la musique. C'est lui qui dirigeait la louange. C'est, dans une version de la Bible, il appelle le voyant, le prophète. Donc, c'est un homme au cœur sensible. Ce que j'aime aussi quand j'ai fait des recherches sur Asaph, c'est un artiste. Ça ne m'a pas surpris quand j'ai lu ça. C'est un artiste, c'est un gars qui a le cœur sensible, qui est blessé à rien. Hein? C'est ce que c'est, hein, Nathalie? Quelqu'un qui bon, les petites affaires, ça te dérange. Hein? Quand quelque chose de travers, ça vient chercher. L'injustice vient me chercher. Puis Asaph, c'était ça, c'est un artiste, c'est un homme qui veut servir Dieu, mais qui est sensible, donc qui est dérangé par les méchants. Le psaume 73 reflète son amertume. Quand on va un peu plus loin dans le pourquoi qu'il a écrit ce psaume, ça peut partir du meurtre de son frère Zacharie. Jésus en parle dans le Nouveau Testament. Tu regardes, ah, Zacharie, c'est qui? Mais c'était le frère de Asaph qui a été tué sur le bord de l'autel. Je ne vais pas aller trop loin, on peut voir ça dans 1 roi 8, 44 à 50. Non. Ça se trouve dans Chronique. Ça se trouve dans Roi, c'est autre chose. c'est le meurtre de son frère. Là, écoute, ton frère se fait tuer. Tu comprends pas pourquoi que ça s'est passé. Puis aussi tout ce que vivait Salomon depuis la dédicace du temple jusqu'à la fin, là, ça va vraiment pas bien. Et Asaph vit toute cette tourmente-là d'assez proche. Le psaume 113, c'est son état d'âme. Mais il commence, et je vais vous lire ce fameux psaume 113. Je vais vous lire en quatre parties. Je vais commencer par la première partie. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fait mieux de plus que mes pieds ne trébuchent. Rien de plus, je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car eux autres, ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à la mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux que frappent les humains. Aussi, sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse, les mauvais désirs de leur cœur débordent d'amertume. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain, ils menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sillit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il? » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent des richesses. Ça va pas bien, hein? Mais c'est le fun qu'Asaph commence par dire « Oui, Dieu est bon pour Israël. » Tous ceux qui ont le cœur pur. On dirait qu'il se met en garde lui-même. Il dit, ouais, j'ai le goût de m'exprimer, là, mais je vais mettre un intro, là. Il dit, OK, on part de Dieu est bon. Je vais comme mettre tout ça dans un package, là. On part, Dieu est bon. Il veut faire attention, mais il veut être sincère. Et il reconnaît son état. Il y a une humilité, il y a une fragilité dans ses propos. Quand il dit qu'il s'en fallut de peu pour que mes pieds ne trébuchent, on ne parle pas de quelqu'un ici qui est au-dessus de tout. Pourtant, il est à côté du roi, il est proche de David, il est proche des autorités, puis en même temps, c'est comme je suis fragile, puis je ne suis pas grand-chose devant tout ça. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des méchants. Sans aller dans tout ce qu'ils voyaient, là, pour faire l'histoire parce que je n'ai pas grand temps. Et c'est pas là-dessus que je vais mettre mon emphase ce matin. Mais Asaph n'était pas contre la prospérité. Ça, pour faire attention, il n'est pas contre les gens qui ont une prospérité et qui réussissent. Ton argent, ça va bien. Il compte ceux qui sont méchants. Puis ça, il y a une nuance là-dessus. C'est les méchants. C'est la méchanceté, le cœur de ceux qui l'opprime, qui vient le chercher. C'est pas le fait qu'ils ont la prospérité, mais c'est la prospérité des gens méchants. C'est comment ils atteignent cette prospérité-là qui est plus remis en question. Asaph a vraiment un cœur où il veut que la justice soit mise en avant. Pour quelqu'un comme moi qui a un désir de justice, ben, je m'identifie à ça. Si on pense au sans-abri, le prochain texte, dans 73, verset 4, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à la mort, ils ont santé et en bon point. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans la vie. C'est sûr que les autres, ils souffrent. Donc, c'est sûr que les autres, ça va bien, puis moi, là. On dirait que je porte toute la souffrance du monde. Si je regarde notre société aujourd'hui, c'est une société qui veut évacuer la souffrance. Et Asaph exprime sa souffrance. Asaph exprime son dégoût face à ce qui se passe. Il n'est pas là pour n'est pas dans une bulle. Tu regardes. C'est ça qui se passe dans la prison. Il faut commencer à raconter un peu ce qui s'est passé à Saint-James. Il y a eu un feu le 12 mars au matin. Et on parle d'un centre qui accueille à peu près chaque jour 60 à 70 sans-abri. Et du jour au lendemain, à peu près 60 à 70 personnes, et si on regarde overall, à peu près 100-125 personnes qui ne peuvent plus se retrouver quelque part pour manger, pour recevoir des soins, pour recevoir une stabilité, pour recevoir de l'amour, pour être accueillis. Ils sont dans la rue. Nous autres, là, sont vraiment dans la rue à chaque jour. Et leur souffrance est vécue. Nous autres, on se retrouve face à des gens. Puis je vais le dire un matin, parce que c'est important de le dire. Tu aurais pu... Le troisième étage était fermé. On aurait pu fonctionner le troisième étage. Et ces gens-là, de l'Église, n'ont pas voulu nous donner le sous-sol pour qu'on puisse les recevoir. Nous autres, on a demandé à ces gens-là, est-ce qu'on peut avoir une place où on peut les recevoir? Et l'intendant n'a jamais voulu bien savoir, malgré que ce sous-sol-là était vide. On aurait pu être là. Il y a rien qui s'est fait. Donc, dans notre cœur de personnes qui veulent s'appeler, on voyait une injustice, on ne peut pas tout faire ça. Où est leur cœur? Qu'est-ce qui se passe? Puis, le secteur-là est venu à notre cœur. Ils sont bien méchants. Je ne veux pas mettre de nom ce matin, mais je veux mettre en lumière que... Oh, je veux mettre en lumière ce matin qu'il y a de la méchanceté. Et que lorsque ça se passe, il y a des questions qui viennent. Puis c'est ça que la salle vivait. Quand j'ai des options sur la fin, j'ai identifié à ça. Puis, ces matins-là, où je me disais, c'est pas par rapport à moi, là. C'est par rapport à des gens qui peuvent pas être nourris. C'est par rapport à des gens qui auraient une occasion de pouvoir changer leurs vêtements. Ils peuvent pas le faire. Ils peuvent avoir des services, puis ils peuvent pas les avoir. Juste parce que il y a d'autres personnes qui ont décidé que c'était plus ça leur mission, c'était plus ça qu'ils voulaient faire. Et ils ont choisi de dire, ben quand il y a un feu, ça fait longtemps que ces sans-abri-là nous dérangent. Là, c'est peut-être l'occasion de passer à d'autres choses, puis là, ils nous dérangent. Et pour nous autres, ça a été très difficile à vivre. Je le dis ce matin avec un sentiment de dire, est-ce que je devrais en parler? Moi, je vais en parler en matin, parce que ça, c'est pas juste ce qui s'est passé. Puis, je ne veux pas juste parler ce matin de ce qui n'est pas juste, mais de la douleur que ça peut faire quand on est méchant à des gens qui n'ont pas d'autres ressources, qui n'ont rien d'autre dans leur journée que de pouvoir avoir cette stabilité un peu de rencontrer les gens qui veulent les aider. Donc, l'option 73, c'est ce sentiment-là qui revenait chez moi quand je le disais. Parce que quand il dit « Aussi sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier et la violence est leur parure, et comme eux autres, ça va bien, ils sont beaux, ils sont violents, ils gèrent la game, ils ont le contrôle sur la game, puis nous autres, on est contre ça. » La pauvreté, c'est ça, c'est l'impuissance. Tu ne peux pas rien faire par rapport à l'oppression que tu vis. Qu'est-ce qu'Azar peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Le gars qui prenait ces décisions-là, il était très grandement. Moi, je fais 6 pieds et 2, 215 livres. Le sentiment que j'avais des fois, là, c'est pour moi, il réalise mon compte. C'est de l'état à la Mais mon père me disait, mon père, il disait, les gens violents, c'est les gens qui n'ont pas d'argument. Ils ne sont pas capables de s'exprimer. Quand tu es ici, pourquoi dire, ben c'est là que la violence sort. Puis il dit, trouve-toi les arguments dans la vie. C'est ça le but de mon père. c'est le lot de notre famille, on a tout à fait l'autre. Mais ces gens-là qui sont moqueurs, on est à leur merci, puis c'est ça qui est dur, c'est qu'ils ne peuvent pas rien faire. Azaf ne peut pas rien faire. Le peuple les suivait, ils boivent leurs paroles, puis ils ont le contrôle sur tout. Là, je n'embarque pas dans le débat politique, je pense présentement. Mais, tiens, on vit ça. Autant des deux bords, il y en a qui ressentent une injustice, que tu sois rouge, vert, blanc, jaune, orange, n'importe quoi. Tout le monde ressent l'injustice, puis veut s'exprimer, mais il ressent l'impuissance par rapport à l'immensité de ce qui se passe dans notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, on est tous victimes un peu de ce qui se passe, puis on ne sait pas comment agir. Puis c'est là que, quand tu n'as plus de mots, quand tu n'as plus de ressources, que la violence sort. C'est là que tu deviens violent. Puis c'est là que ça déborde. Est-ce que Hazard voulait déborder? Il aurait peut-être le choix de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Puis ça devait surtout venir le chercher. Quand les gens disaient, ouais, Dieu, c'est quoi lui? De quoi tu parles, Dieu? Que sait-il? Celui qui est en haut, comment connaîtra-t-il? C'est là que, des fois, j'utilise l'épisode de téléphone. Vraiment, c'est comme ça, les méchants. Il y a comme un mépris de Dieu de la part des méchants. Ils se moquent de Dieu. Ils disent, pas Dieu pour eux autres. Puis en même temps, ils sont tranquilles et accumulent les richesses. Le sentiment d'Azar. En tout cas, je ne sais pas si vous autres vous vivez, mais moi, j'ai le vide des fois. Deuxième partie. La première partie, c'était les méchants. La deuxième partie, c'est le découragement. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé les mains en signe d'innocence. Est-ce que vous ressentez ce découragement? Ça ne donne pas d'être chrétien aujourd'hui. Moi, il n'y a rien. C'est quoi? C'est donc en vain que je veux suivre Dieu. Il n'y a plus personne qui sait qu'ils ont l'air corrects, les autres. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Je ne pense pas que c'est aussi pire. Mais peut-être. Il y en a que c'est comme ça. Mais tous les jours, moi, je me donne la peine de dire peut-être que je ne veux pas faire subir des choses à mon voisin, à mon prochain. Peut-être que je ne vais pas fourrer le gouvernement. Peut-être que je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est en vain que je fais ça? Est-ce que c'est en vain que je choisis de vivre Dieu en 2012? Ça donne quoi? Verset 15. Tout se bien de parler comme un autre. Tout se bien de faire comme un autre. C'est là que ça devient insidieux de moi. De m'en foutre de Dieu, de vivre ma vie sans Dieu, de vivre ma vie sans les principes de Dieu. Je me rappelle Jacques, il avait parlé il y a longtemps de la femme adultère qui va et ne pêche plus. C'était Jacques avait expliqué ça de va et vis selon les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. C'est ça qui veut dire Dieu. Puis en même temps, lui dit, est-ce que ça vaut la peine de vivre selon les commandements de Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de marcher et de voir et ne pas échouer? C'est justement ça. Ça vaut pas la peine. Je vais te mettre là ma tête. Non, ça se peut pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'Azaph termine son psaume là? Non. Mais je suis vraiment impressionné. Tu sais, beaucoup de gens vont dire, oh, la Bible, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment une honnêteté dans ce texte-là, une sincérité, une fragilité, une vulnérabilité que l'auteur nous donne. Ce qui il est. Il y a tout un cheminement, puis je trouve ça beau. C'est sûr que deux fois matin, j'ai entendu oui, le psaume 13, mon préféré, c'est peut-être qu'on se reconnaît dans ce psaume-là. Il y a vraiment une expression de artistique de l'être humain dans sa fragilité par rapport à Dieu. La première partie, c'était les méchants. La deuxième partie, c'était les courageux. La troisième partie, moi je l'appelle rétrospection. Je me suis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais cela bien trop injuste. Donc l'auteur s'arrête. Et comme il dit, ben, quand t'as mort, là, ça marche pas, là. Ça fait, ben, dans ce temps-là, il n'y a pas de ça. Ça fait 15 versets que je me concentre sur ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Dans quoi je vais mettre mon attention dans la vie? Là, c'est là que Azar s'arrête. C'est là que moi, des fois, quand je suis chez nous, je vais m'étendre dans le salon et j'ai un beau grand divan brun. Si je peux faire, je me suis mis dessus, je vais aller voir mon c'est le seul merveilleux des divans bruns, c'est que tu peux méditer. Tu peux vraiment arriver comme tu es, puis tu t'étends. Là, je réfléchis. Azar réfléchit sur la souffrance. Sur sa souffrance. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car si en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine, et soudain c'est la catastrophe, et en un instant ils sont perdus. Ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête, sans raison. Azar fait un switch ici. Il se dit dans sa vie, dans ma vie, là, est-ce que je suis une victime? Est-ce que je te la merci de ces méchants-là? Est-ce que ma vie n'a pas de raison? C'est comme il évacue ces deux options-là. Et Azar a choisi de ne plus être une victime dans la vie. Ça, c'est important parce que quand je dis que c'est le psaume québécois, d'autres, les Québécois, on a comme une facilité d'être des victimes dans la vie. C'est à cause de lui que ma vie va mal. C'est à cause du gouvernement si tout ça arrive. C'est à cause de j'ai entendu ça dans 30 ans des chrétiens, hein? C'est à cause de tel pasteur que blablabla, que toute ma vie va mal. C'est à cause de l'Église que ça va mal, que le Christ n'est pas aussi puissant. T'sais? C'est à cause de elle, si on n'est plus ensemble. T'sais? C'est à cause de... J'ai fini maintenant. Azaf a commencé à dire, moi, puis moi là-dedans, où est-ce que je me situe? Où est-ce que je mets ma perspective? Il faut revenir avec... la situation de Saint John, on a comme ce switch-là, en anglais, il dit paradigm shift, ce changement de paradigme. Il dit OK, on peut pour longtemps dire bon, mais c'est de leur faute, ils ne veulent pas nous autres, mais dans tout ça, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? On passe nos journées à dire « Ah, oh, on est élus dehors, ils ne veulent plus de nous autres, ils sont méchants, c'est... » Est-ce que ça règle les choses? À un moment donné, un matin, Ron, moi et Alain, on était dans... Là, on s'est retrouvé dans les cultures de direction chrétienne. Donc, imaginez, les directions chrétiennes, c'est des bureaux. Puis là, on est les employés de Saint James. Un peu tout fou les uns que les autres. Pas être fou de la rue des gens. Comme dans la rue. Je veux dire, On s'est regardé, puis je disais, d'un coup, que c'est le pire en derrière qu'il nous fallait pour sortir de notre. Parce que c'était plus sain à la fin d'être dans un environnement où on sait que les gens ne veulent pas nous autres. C'était pas sain pour nos membres, les sans-abri, pour le staff, toute l'équipe. Donc, puis il y a 2 ans, on avait commencé à entreprendre des démarches pour déménager. Et je vais vous dire, là, essayer de trouver une place pour recevoir à peu près 75 sans-abri à tous les jours à Montréal. C'est impossible. Premièrement, à Saint-James, on payait un loyer à peu près 1 700 par mois. Centre-ville, écoute, oublie ça. Vous allez être tout d'accord avec moi que qui veut à peu près 60 sans-abri comme voisin tous les jours? Okay? Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas un quartier qui va vouloir ça. Pour nous autres, quand on a commencé il y a 2 ans à entreprendre des démarches, la seule option qu'on a trouvée, c'est d'acheter un édifice qui était dans le Verdun, je crois. Finalement, on s'est aperçu qu'il était insalubre. Le sol était contaminé. C'est pour ça qu'il ne vendait pas cher à l'artiste. Ça tombait à l'eau. Où il aurait fallu qu'on débourse, je pense, le double de ce qu'on payait la bâtisse pour faire nettoyer le sol. Donc, on a abandonné les recherches au bout de 2 ans. On dit, ben, regarde, on est ici, on va vivre avec le contexte, puis ça va être ça. Et on vivait l'option de 73. On s'est dit, regarde, on va continuer comme ça. Et là, il y a le feu, et il faut trouver une place. On s'est dit, peut-être que si un Dieu, moi je crois qu'on a un, peut-être que c'est ce qu'on avait besoin pour trouver notre place. Puis, on a des promesses de Dieu. On va les vivre, ces promesses. Et c'est le switch que Azaf est en train de faire dans les versets 16 à 22. Est-ce qu'on choisit d'être un sot, d'être un ignorant? Puis moi, quand j'entends le mot ignorant, c'est peut-être ignorant des promesses de Dieu. Ignorant de ce que Dieu peut faire. Pas ignorant de culture générale ou de. Plutôt un petit peu, là, ben, peut-être des fois. Mais ignorant des vérités de Dieu, des promesses que Dieu nous a données, qui nous donne tout au long de sa parole, qui va prendre soin de nous. Est-ce que je suis ignorant de ça? Est-ce que je suis un sot qui veut vivre sans ces promesses-là? Je me comportais avec toi, c'est avec Dieu, comme une bête sans raison. Donc, le changement de cœur que Azaf fait, c'est qu'il remet son sort à l'Éternel tranquillement. Il commence à dire, OK, je vais peut-être aller vers la voie où je peux commencer à faire confiance à Dieu. Et que peut-être la justice, parce que quand il commence au verset 16, où il trouve ça injuste, il voit une injustice là, peut-être que la justice, c'est pas à lui de répondre à la justice. C'est à Dieu. On a plein d'exemples dans la Bible où Dieu répond à cette justice-là. Ça ne veut pas dire de tout laisser faire. Je serais le premier à être contre ça, d'être passif. Mais la justice ultime, la réponse de Dieu à l'injustice, c'est lui qui répond à cette injustice. Qu'on voit dans notre société, qu'on voit autour de nous. Verset 23, mais je suis toujours avec toi. Et tu me saisis la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. Puis tu me prendras dans ta gloire. Qu'ai-je au ciel si ce n'est toi? Et si bas que désirer quand je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher, mon bien précieux de toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, je placerai dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon seul refuge, et je raconterai mes œuvres. C'est ça que je fais à ma tête. À un moment donné, à Saint James, c'était bien, bon, on va y faire confiance. Okay? On a trouvé une place. C'est incroyable. Maintenant, je repense. Qui nous a trouvé une place? On s'est retrouvé dans une église qui s'appelle comment? Saint James. Une autre église qui s'appelle Saint James. On est rentré là. Et Linda, cette pasteur-là, elle nous accueille, elle dit, avec vous, on veut étendre de notre mission pour les gens de la rue. Donc, on est bienvenus pour à peu près le même loyer. Quand on est là, les murs sont peinturés dans les mêmes couleurs. C'est notre bleu. Et on se retrouve là, et on s'est regardé, puis on dit, ça se peut pas. C'est vraiment... Dieu prend soin de nous autres. C'est, vous n'avez pas idée, comme je disais tantôt, trouver une place pour des sans-abri à Montréal, à peu près 2000 $ par mois. Et des gens qui vont nous accueillir, écoute, je peux leur dire encore, vous n'avez pas idée de comment c'est que c'est un miracle. On était à Saint-James depuis Saint-James-Haute-Église, depuis 1985. C'est quelque chose qui a commencé, les autres ont commencé, mais retrouver notre place, c'est incroyable. Et ces paroles-là, mon cœur peut s'épuiser, mon corps peut s'épuiser, mon cœur peut défaillir, mais Dieu reste mon rocher. On s'est retrouvé dans une situation où on n'avait pas de choix que de s'appuyer sur quelque chose qui n'allait pas bouger. De dire, OK, on va te faire confiance parce qu'on se retrouve dans une situation où on n'a plus le choix. Comme Asaph devait se retrouver dans cette situation-là. Et de, avec 30 ans de chrétien, moi, quand je suis venu au Seigneur, une des choses, c'est que Dieu apprend pour ma vie. Mais des fois, en vieillissant, en tout cas moi, on tend à oublier ça. C'est Dieu un plan. Ah oh, ouais, Dieu un plan. Ah oh, ouais, ben, ouais, OK. On dirait que j'en ai plus en arrière que j'en ai de l'air, mais Dieu a un plan. Mais quand on voit l'intervention de Dieu, puis que, ah, oh, peut-être que lui a provoqué ça pour qu'on se retrouve là, qu'on puisse vraiment avoir cette liberté-là de vivre son plan. OK. Dieu a un plan, oui, c'est vrai. Et quand on se retrouve aussi que si je n'ai que. Tu vas recommencer. Qu'ai-je au ciel si je n'ai, si ce n'est toi, et si bas des, que désirer, car je suis avec toi. Mes regards sont vers Dieu, mes attentes sont vers lui. Peut-être le problème d'Azar, mon problème au début quand ça s'est arrivé, c'est que mes attentes dans la vie reposaient sur des autres. Mes attentes reposaient sur moi-même. À un moment donné, je n'ai pas le choix parce que c'est pour donner force que de mettre mes attentes en vie. Et le psaume 73, si on peut obtenir une chose, c'est mettez vos attentes en Dieu. Appuyez-vous sur lui. Parce qu'on est entouré de méchants. Mais je ne veux pas. Non, je ne veux pas faire ça par la même. Ce ne serait pas juste pour eux autres. C'est pas correct. C'est pas tous des méchants dehors. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais on n'est pas des victimes. On est des gens qui veulent s'approcher à Dieu sur ses promesses. C'est ça que ça peut faire. Le bonheur, son bonheur à lui, c'est d'être toujours près de Dieu, de rester fidèle à ses commandements, de rester fidèle à lui. Et avec ça, ben, on peut, ça peut libérer les autres. On se libère, nous autres aussi. On se libère de... d'avoir tout ça sur nos épaules. Quand Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, mon jour est doux et léger. C'est tout relié. Donnez-moi votre fardeau, donnez-moi votre jour, donnez-moi vos attentes. Je vais m'occuper de vous autres à Saint-James, je vais m'occuper de toi, Bernard. Arrête de mettre tout le monde entier responsable de tes problèmes. Je vais m'occuper de toi et Tu vas voir, ça va bien aller. Notre espoir doit être en Dieu. C'est ça qui est le psaume 113. En tout cas, à moi, il me dit. Il peut dire plein de choses à plein de monde, mais à moi, c'est ça qu'il me dit. Il dit, Bernard, calme-toi. Mets ton espoir en moi. Parce que tu peux passer ta vie à trouver des coupables, à trouver des méchants, des problèmes. Tu peux passer ta vie à te culpabiliser aussi. C'est pas mon plan pour toi. Mon plan, c'est pas que tout le monde est méchant, que toi t'es coupable, que tu passes ta vie à te creuser un trou. Mon plan pour toi, c'est que tu puisses marcher libre, que tu puisses marcher dans cette liberté-là, ou que tu sois affranchi et que tu affranchisses les autres. Parce que quand ce qu'il dit à la en dernier, ce qu'il dit en dernier, c'est que l'Éternel est son refuge, son sûr refuge, un refuge certain. Et puis il dit, raconte-les, raconte ses œuvres. C'est ça que je fais un matin. Je veux vous raconter comment que Dieu est complètement vivant. Parce qu'on avait, on avait un cul-de-sac devant nous autres qui nous ouvrait la voie. On a trouvé une place. Puis moi, ça m'a raffermi dans ma foi. Ça m'a raffermi dans mes convictions. Puis en même temps, ça a dérangé plein d'autres choses parce que je me dis, OK, moi, je suis ici-bas là, parce que je veux vivre les réalités de Dieu. Puis je vais arrêter de m'attarder sur les choses que j'aime moins, pas que j'aime moins, mais qui nuisent à ça. Je veux vraiment faire la volonté de Dieu, puis je ne veux pas m'attarder sur les méchants. Mais je ne veux pas que vous sortiez d'ici et que vous commencez à spotter les méchants. C'est pas ça. Spotter l'espoir qui est en Dieu. C'est ça le psaume 113. Spotter l'espoir qui est en Dieu, un bon Québécois. Concentrez-vous sur ce que Dieu peut faire et non sur ce qui se passe horizontalement. C'est ce que le psaume 113 me dit à moi, que j'ai voulu vous partager. Donc, j'ai raconté ses œuvres ce matin et que Dieu puisse bénir sa parole ce matin et qu'il puisse vous bénir aussi dans l'accomplissement de son plan. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est riche en vérité. Merci pour l'authenticité de tous ceux qui se sont exprimés en toi dans ta parole. À travers cette fragilité, cette vulnérabilité, cette honnêteté, ce sentiment d'être intègre dans qui on est, tu as béni ça, Seigneur. Et ce matin, notre prière, c'est que tu puisses être, qu'on puisse voir en toi notre refuge, et que tu puisses, par ta fidélité, nous montrer tes voies, ton plan, et comment tu es bon pour nous, Seigneur. Nos yeux veulent se tourner vers toi ce matin. On veut que la louange de cette vérité puisse aller au-delà de ces murs, et qu'on puisse raconter tes œuvres. Sois avec tous ceux qui désirent te servir et que tu puisses apaiser leur cœur, les accompagner dans la souffrance, les accompagner dans leur joie, dans leur paix. Et que Seigneur, on puisse te louer éternellement. Merci, on a une autre façon de dire.